Chapitre 96. Passage de témoins. Alors que les Bleus sont réunis à Clairefontaine pour préparer le match contre l'Allemagne, les joueurs reçoivent une visite surprise. Suspendu pour le match contre la Belgique, Benoît revient et est prêt à faire vibrer la France. En off, il a promis à Totov 76 qu'il n'est impliqué dans aucune pression extérieure. Il va jouer pour la France et va gagner par amour du football. Sa hargne est mesurable sur le terrain. Une petite rencontre d'entraînement est organisée contre des anciennes connaissances. 7 anciens joueurs sont venus encourager les Bleus, et ceux-ci sont les finalistes du Mondial 2050, qui ne font plus partie de cette équipe de France. Blanbag, Eric BH, Grid 71, Killer Crush 23, Wolf 75, pour gagner 0-2, et Zumbinda. Le seul absent de cette équipe est Faitson. C'est ce que croient les joueurs. Le match est plaisant et symbolique. Le score est anecdotique, surtout que la plupart des anciens se sont retirés du ballon rond. Pour information, les Bleus 2053 ont gagné le match 4-0, avec un triplé de Benoît. Guy Chabal s'est montré assez discret. Il a même occupé le poste de gardien de but durant la quasi-intégralité de la rencontre. Cette retenue lui a permis de ne pas être reconnu par ses anciens coéquipiers. Dans l'équipe actuelle, presque personne ne l'a capté. Le seul qui a des doutes est Bella, qui ne cesse de demander où ils se sont rencontrés. Le vrai portier des Bleus a été à l'origine de la blessure fatale de Faitson. Un épisode marquant pour lui qui a laissé des séquelles. La belle performance de Benoît l'a propulsé dans les suffrages des supporters français. Sauf épisode inopiné, il devrait être parmi les titulaires contre l'Allemagne. Aux dernières nouvelles, Bella sera dans les cages et sa défense sera composée d'une brochette de 5 joueurs. Tot 511, Coca, Riti 3402, Julien 67 et Aldeby. Le milieu de terrain sera occupé par Dill 48 au centre, et les centreurs fous, Le Chapeau et Benoît, sur les flancs. Sans trop de surprise, l'attaque sera menée par les deux frustrés de Bruges, Guy Chabal et Totov 76. Le banc sera occupé par Webox, Romain, Gourou, Moon Forever et Delpino 50. Nabir 69 et Tommy 61 suivront le match depuis les tribunes. Côté allemand, on a une équipe hyper défensive. Mais quand il faut faire trembler les filets adverses, ils savent s'appuyer sur leur seul attaquant de l'effectif. En effet, un joueur pouvant évoluer aux avant-postes a été sélectionné. Un pari très risqué, dont les Allemands n'ont pas encore subi les conséquences. Il est le seul et unique buteur de la sélection durant le tournoi Destination 2053, soit 9 buts. Au classement des buteurs, il est loin devant les deux meilleurs buteurs français, avec chacun 4 réalisations. Guy Chabal et Tot 511. Totov 76 et Le Chapeau n'ont mis qu'un but. Tout est mis en œuvre pour que cette rencontre soit historique et que l'on ait un grand champion. L'Allemagne a l'occasion de gagner son deuxième tournoi Destination et emmener son attaquant au sommet du football mondial. À l'approche de la fin d'année, celui qui a été excellentissime avec le Bayern Coming d'Or est tout proche du Ballon d'Or 2053. Double enjeu pour lui, alors que la France n'a pas autant d'ambition. Il faudra être très fort pour contrer les Allemands. Le défi est accepté côté français, et comme on dit encore en 2053, impossible n'est pas français. Il y a plus de 60 années, Gary Lineker disait que le football était un sport qui se joue à 11, et à la fin, le vainqueur était l'Allemagne. Est-ce toujours d'actualité ? Chapitre 97. Stratégie. La finale du tournoi Destination 2053 va se dérouler au Stade de France. C'est la folie dans l'enceinte dionysienne. On connaît le caractère sanguin des joueurs de la Mannschaft, on sait également que les joueurs français sont très souvent à fleur de peau. Ils peuvent craquer à tout moment. Ça va être la guerre des nerfs. L'Allemagne sait qu'il faudra jouer sur cette limite et faire les coups en douce. Mais la France va pouvoir aligner à nouveau sa triplette magique, composée de Benoît, Totov 76 et Guy Chabal, et pourra compter sur deux révélations, qui sont Le Chapeau et Tot 511. La victoire peut venir de partout, mais le craquage aussi. Ça va être un combat de gladiateurs. Les 22 acteurs sont archi motivés pour aller chercher cette victoire qui promet d'être historique. Dans le palmarès des deux sélections, le 5 octobre 2053 va être inscrit comme une date clé. La rencontre n'a pas le droit d'être médiocre et cela va se jouer sur chaque seconde. Le match débute avec l'engagement des Allemands. Ils partent droit au but, mais butent sur une défense impériale. Ils sont 5 derrière pour contrer le buteur adverse et n'ont pas le droit de le laisser filer. On joue depuis 6 minutes et le fameux attaquant allemand entre dans la surface et se retrouve face à Bella. Le portier français court vers son adversaire et plonge dans ses pieds. Le germanique voltige. Il est totalement séché. L'arbitre n'a pas d'autre choix que de montrer le point de pénalty. Il ne sort qu'un carton jaune aux Français, mais les Allemands auront une belle occasion de mener au score dès la 6e minute. L'Allemand pose le ballon et regarde, l'air déterminé, son vis-à-vis. Il ne fait aucune pitié et envoie un boulet de canon. Bella ne peut pas réitérer l'exploit effectué face à l'Espagne. L'Allemagne mène 1-0 avec le 10e but du buteur allemand. Mais celui-ci se tient l'arrière de la cuisse. Il semble un peu gêné. Peu importe son état, la France ne doit penser qu'à elle et doit revenir rapidement dans le match. Après un quart d'heure, le chapeau lance impeccablement Gichabal. L'attaquant mousse-grenois profite de son physique avantageux pour s'imposer face au défenseur allemand. Il place une mine incroyable sous la barre du portier germanique. La France égalise assez rapidement. Les deux équipes sont à égalité et le maillon fort des Allemands est diminué. C'est une bonne opportunité à saisir pour les Bleus. Mais la défense adverse essaye de retenir Gichabal et Totov 76. Des fois, c'est assez irrégulier, mais l'arbitre n'y voit rien de méchant. Un bon nombre de centres de Le Chapeau ne trouvent personne. Benoît essaye de se mettre au centre pour apporter de la percussion, mais la défense ne plie pas. Les nerfs commencent à lâcher en attaque française. Gichabal en a marre de se faire tirer le maillot sans avertissement de l'arbitre. Mais celui qui avait déjà craqué, il y a 3 ans, contre le Japon en infligeant une gifle à un adversaire, se calme. Il a déjà loupé, à son époque Faitsan, une finale sur Mars. Il ne veut pas priver son équipe du grand chelem. C'est justement ce que lui demande son capitaine, sur le ton de l'humour, en lui disant qu'il y a une barbe en jeu. Ça a le don de détendre l'animal. Quelques minutes avant la mi-temps, Coca a quelques mots assez durs pour un adversaire. Tout cela s'est déroulé sous les yeux de l'arbitre central. Il appelle le Parisien et l'avertit oralement. Le défenseur discute assez violemment avec l'homme en noir. Il écope d'un carton jaune. L'Allemand, avec qui il s'est disputé, se moque de lui. Coca revient dessus et lui demande s'il a un problème. Il est incontrôlable. L'arbitre lui demande d'arrêter, mais le défenseur est aveuglé par la haine. Juste avant le repos, l'homme en noir voit rouge et expulse Coca. On ne sait pas pourquoi il a fait cela, mais Coca n'avait sans doute pas envie de jouer la 2e mi-temps. Afin de garder le schéma défensif à 5, les décisionnaires font sortir Deal 48 et font entrer Moon Forever. À 10 contre 11, la France va tout de même essayer de prendre l'avantage en seconde période. Chapitre 98, Bis Repetita. Au retour des vestiaires, Julien 67 n'est plus sur le terrain. Il a demandé à sortir à cause d'une souffrance à la jambe suite à une béquille reçue durant le match. La France fait son 2e changement avec l'entrée de Weebox. Il faudra faire très attention puisque les Bleus n'ont plus qu'un joker. Le sort s'acharne puisqu'à l'entame de la 2e période, les Allemands bénéficient d'un corner. Dans un duel aérien, Bella est percutée par son propre défenseur, Riti 34-02. Le portier milanais doit également sortir. On ne fera pas de changement poste pour poste, puisque Riti 34-02 va prendre les gants de gardien et Romain va entrer et aller en défense. Après la sortie de Deal 48, pour équilibrer le secteur défensif, la blessure de Julien 67, la dernière cartouche est grillée avec cette malheureuse blessure de Bella. Les Allemands vont avoir un gros avantage sur leurs adversaires. À noter que les rencontres du tournoi sont terminées. même si cela ne va avoir aucune incidence sur la France et l'Allemagne, nous allons nous pencher sur le reste du classement. À Turin, l'Italie s'est inclinée face au Royaume-Uni 2-1. La Belgique a été battue à Barcelone contre l'Espagne sur le score de 4-1. Ainsi, l'Espagne, avec 3 points, prend la 3e place du classement. Le Royaume-Uni est 4e avec 2 points. Avec une seule victoire, la Belgique finit avant-dernier et la lanterne rouge est italienne avec un 0 pointé. Une chose est sûre, le vainqueur de ce soir entre l'Allemagne et la France remportera le tournoi des Six Nations. Le perdant sera 2e avec 4 points. Revenons à la rencontre entre ces deux prétendants au titre, puisque le match est très animé. Ça part dans tous les sens. C'est engagé, voire trop. L'Allemagne a tout compris et provoque les Français. Engagé dans un duel aérien à l'entrée de la surface, Ricky 34-02 percute l'Allemand. Ni une ni deux, l'arbitre siffle une faute et inflige un carton rouge au nouveau portier français. La France est réduite à 9. Le chapeau décide d'aller prendre place dans les cages françaises. C'est nouveau pour lui, il n'a jamais occupé ce poste, mais il se sent l'âme d'un Fabien Barthez. Pour les Allemands, la dernière demi-heure va être facile face à un gardien novice, qui plus est face à une équipe en infériorité numérique. L'attaquant allemand veut placer le ballon dans la lucarne de Le Chapeau. Celui qui est plus connu pour ses centres s'envole et va chercher le tir allemand. Un arrêt de grande classe qui permet aux Bleus de garder le score de parité. Comme indiqué, il reste 30 minutes et il faut marquer le coup. Que ça soit à 11, à 10, à 9, la France est capable de gagner ce match. L'équipe peut compter sur son trio. Benoît est remuant, Totov 76 occupe le poste de meneur de jeu et Gichabal tente de se créer des occasions. Mais ce dernier est trop discret. Les Allemands ne le laissent pas s'exprimer. On se dirige droit vers la séance de tir au but. Mais avant de se plonger vers elle, l'arbitre annonce 3 minutes de temps additionnel. Il en reste donc 2. Benoît a une belle occasion, il est dans le couloir droit. Cette scène lui rappelle étrangement la finale perdue face à la Chine sur Mars lors du Mondial 2050. Au lieu de temporiser, il avait centré. Ceci avait provoqué la perte du ballon et le but chinois. Ici, c'est le même scénario. Il y a un titre en jeu. Que va faire Benoît? Il décide de se relancer et veut faire son centre. Du déjà vu? Son ballon ne trouve personne. Un défenseur allemand dégage le ballon de la tête. Cela revient dans les crampons d'un Français qui fait une reprise de volée extraordinaire et qui se loge directement dans la lucarne allemande. Le héros de ce soir se nomme Romain. Très discret depuis le début de la compétition, il offre le tournoi des Six Nations aux Bleus, le premier et seul grand chelem de l'histoire de la compétition. Chapitre 99. Tombe les voiles. Les travées du Stade de France chantent, la France l'a enfin fait. Après le revers face à la Chine sur Mars, après la défaite contre l'Italie au Mondial 2006, les Bleus remplissent enfin leur salle de trophée. Le tournoi des Six Nations restera, à vie, dans les bras de l'équipe de France. Le championnat d'Europe des Nations remplacera cette belle compétition en 2057. La France est donc la dernière championne et la seule à avoir fait ce grand chelem. C'est énorme pour le public français. Taxés d'éternels perdants, ils ont pu faire ce qu'ils n'ont pas réussi depuis 50 ans, être champions. Benoît, principal fautif lors de la défaite en 2050, est l'un des héros de cette campagne européenne en 2053. Les joueurs montent dans les tribunes pour aller chercher leur coupe. C'est Totov 76, en bon capitaine, qui va avoir le privilège de la toucher en premier. Le stade devient subitement calme et explose dès le soulèvement du petit bijou des Six Nations, malgré son épaule enveloppée d'un énorme bandage suite à un contact violent avec un Allemand. Cette jolie coupe est ornée de bandes rouges et bleues. L'émotion est intense. Tour à tour, les 18 héros embrassent leurs précieuses âmes au rythme des chants de supporters français. Lorsqu'ils redescendent sur le terrain, ils sont attendus par une nuée d'honneur effectué par les joueurs allemands, grand effet de ce soir. Des perdants classe et fair play, c'était devenu assez rare dans ce sport. Gichabal fait la fête, mais Totov 76 lui demande de monter sur le podium au centre de la pelouse. Tout le monde attend qu'il tonde cette vilaine barbe. Le capitaine des Bleus a invité le meilleur barbier de France pour le raser à l'ancienne. Les poils tombent petit à petit. La grande surprise de cette compétition est qu'au meilleur buteur français devient quasiment presque un berbe. La révélation de sa vraie identité sera bientôt dévoilée au public français. Il demande à se terminer seul. Le public a du mal à croire ce qu'il se passe. Guy Chabal est le portrait craché du héros déchu, Faitsan, celui qui a tragiquement disparu en 2050. Lorsque le dernier coup de rasoir est porté, il n'y a plus de doute possible. Guy Chabal est bel et bien Faitsan. Totov 76 propose aux supporters de regarder une vidéo. Dans celle-ci, il explique que Faitsan avait été éloigné des terrains car sa médiatisation était devenue trop dangereuse. Il s'est ensuite reconverti du côté de Lens puis en Belgique. C'est pour cela que Totov 76 est allé le chercher jusqu'au Mouscron, et c'est là-bas qu'il ira l'amener afin qu'il puisse participer au match Mouscron-Liège. Le public est choqué. Faitsan jouait sur leurs yeux depuis des semaines sans qu'ils puissent le reconnaître. Ses coéquipiers ont également été dupés. Totov 76 décide d'annoncer qu'il se retire du football professionnel. Il quitte alors le Béticos et l'Olympique afin de se reconvertir dans un autre milieu. Il a vécu de grandes aventures depuis 3 ans et souhaite retourner à l'anonymat, tout comme Benoît qui raccroche les crampons. Après ces annonces très émouvantes, les 18 joueurs se présentent face aux supporters français et lèvent les bras au ciel. Totov 76 a un peu de mal à exécuter ce geste. Faitsan se met devant et réitère le clapping qui l'a rendu célèbre avec les YNWA Reds. Tout le monde tape des mains en criant « France » pour conclure cette sublime soirée, cette magnifique aventure. Chapitre 100 – La vie d'après. Nous sommes le dimanche 13 décembre 2053 au stade Josy Bartel de Luxembourg pour la finale de la Benelux League entre le Fight Sport de Mouscron et l'Ajax Mythisch Club d'Amsterdam. Le club belge a été totalement racheté par Guy Chabal, qui a repris son pseudonyme Faitsan, et a créé une véritable enseigne omnisport, sortant les plus grands sportifs européens. Ceux-ci seront même présents dans quelques semaines lors des EA Games. Le FSM est déjà champion d'Europe de basketball, de football américain, de handball et également de lutte. La section footballistique est en passe de remporter son premier titre en Benelux League, 1 an après avoir été champion de Belgique. Ce titre lui a valu une qualification pour la Coupe d'Europe des clubs des champions, mais leur parcours s'est arrêté en demi-finale face aux Lituaniens de Kaunas. Afin de ne pas repartir brendouille, les Belges doivent gagner contre la MCA. La saison en Benelux League a été parfaite pour les Belges. Ils ont recruté les meilleurs joueurs du pays et ont même réussi à faire venir 2 vainqueurs du dernier tournoi destination, Romain et Moon Forever. Ce fut assez rare de voir cette équipe non franchisée recruter 2 joueurs aux géants de la bouillante et de l'absolute. Surtout que ces 2 joueurs ont également le statut de champion du monde après le succès des Bleus lors du Mondial 2054. Orphelin de Totov 76, l'équipe de France s'est tout de même imposée en finale contre une autre surprenante sélection, les États-Unis. Surprenante, pas vraiment. La licence au Qatar Galaxy Championship a été rachetée fin 2053 par le pays de l'oncle Sam afin de bâtir la 4e puissance footballistique mondiale derrière le Japon, la Chine, l'Inde et la France. À 80 ans, David Beckham a monté la Majesty Soccer League, dont une partie de la saison 2056 devait se jouer sur Mars, 6 ans après la finale du mondial. Revenons au terrain luxembourgeois, où Mouscron mène déjà 1-0 avec une réalisation de l'incontournable Faitsan. En 26 rencontres de ligue, le Français a fait trembler les filets 46 fois, soit une moyenne de 1,8 buts par match. Il est devenu monstrueux en club, mais également en sélection, avec un record lors du dernier mondial. En inscrivant 15 buts lors de la Coupe du Monde, il a battu un record vieux de presque 100 ans. Surtout qu'il les a mis en 4 matchs. Le Fight est donc un titan, et a reçu son premier ballon d'or il y a quelques jours. Mais comme ce joueur est totalement atypique, il a été le premier à décliner cette récompense. En effet, Faitzen indiquait ne pas aimer les distinctions personnelles. Selon ses propos, s'il devait accepter ce ballon d'or, il le découperait en petits morceaux et les distribuerait à ceux qui le méritent, ceux qui sont morts en travaillant dans les mines, les chantiers, les guerres, ou de fatigue après une carrière remplie dans un vrai métier. Aujourd'hui, il est convoité, les plus grandes franchises veulent le recruter. Mais sa vie est ici, en Belgique, où il a créé son entreprise. C'est donc assez facilement que le Fight Sport rencontre sa première Benelux League en battant l'Ajax 4-0 avec un triplé de son attaquant fétiche. Le quatrième but fut inscrit par Romain. Ce dernier a remarqué un visage familier dans les tribunes, l'ancien capitaine des Bleus d'Otov 76. Retiré du monde du football, il est aujourd'hui maire de la ville de Saint-Martin de Bocherville. Il suit de loin les performances de la franchise de Voelia, qui a aujourd'hui déménagé à Lyon. Mais il voulait absolument applaudir ses anciens coéquipiers, Faitzen, Romain et Moon Forever, pour leur sublime victoire. Totov 76 vient les féliciter, en qualité de politicien, mais surtout d'amis. Il discute longuement avec eux, mais Faitzen est très demandé par VoxPopuli.com et doit se rendre en conférence de presse Skype. Moon Forever a des tests physiques à passer afin de participer au prochain EA Games. Il ne reste donc que Totov 76 et Romain. Le néo-mousquois propose à son ancien capitaine d'aller boire un verre. Autour de celui-ci, Romain lui demande pourquoi il s'est retiré du monde du football. Totov 76 lui dit que ce serait trop long, mais son interlocuteur a exactement 3 semaines devant lui et a amplement le temps de l'écouter.